Nous, Français, ce petit intello qui se croit un peu plus fort qu'il n'est vraiment, et qui après des années de harcèlement a su se faire une place sur l'échiquier scolaire, à grand renfort de coups tordus et de bonne volonté, avons démontré une loyauté quasi inébranlable envers notre bon ami américain. Il faut bien reconnaître qu'il a toujours pris notre parti, même quand ça n'allait pas fort, et que lui et nous avons su lier des liens indéfectibles. Il est pourtant loin ce temps où nous regardions ce bon ami avec l'admiration et l'enthousiasme qu'il suscitait, lorsqu'après avoir éloigné la petite bandite de l'Axe, qui s'était sournoisement servi de sa popularité pour harceler ses voisins de classe, il nous tendait la main et d'un regard encourageant nous aidait à nous reconstruire. Il serait malhonnête de dire que nous n'avons pas vu le tournant qu'a pris notre ami ces dernières années. Il est toutefois possible que notre loyauté nous ait empêché de le comprendre. Nous n'avons en effet pu qu'assister à sa lente dégringolade dans de nombreux domaines. Et si nous, Français, le rencontrions aujourd'hui et devions le considérer d'un œil nouveau, qui verrions-nous? Il est en surpoids mais continue de s'empiffrer. Il parle si fort qu'il est incapable d'entendre ce qui se dit autour de lui. Sa devise est le « moi d'abord ». Il ne comprend pas ceux qui ne lui ressemblent pas et pense que ceux qui ne l'apprécient pas sont méchants. Et il se sert de sa force démesurée comme d'une arme de dissuasion pour rappeler à quiconque qu'il est le seul en mesure de définir ce que sont le bien et le mal. Notre ami est devenu une brute sans finesse, et si cela n'enlèvera jamais rien à ce qu'il a pu faire pour nous, ça questionne néanmoins la foi à toute épreuve que nous semblons porter à ses décisions. Il est vrai que cela fait des années qu'il est en conflit avec plusieurs de nos camarades, même si parler de conflit semble éloigné tant la réalité manque d'équilibre. Il leur impose des règles, décide de ce à quoi ils jouent et de ce avec qui ils y jouent, trace les contours des zones qui leur sont accessibles et leur refuse systématiquement de s'asseoir à la grande table du réfectoire. Bref, c'est un con, et il faut bien admettre qu'en nous regardant dans la glace chaque matin, nous en venons à nous demander ce que nos actes disent de nous, lorsque nous voyons notre ami frapper d'autres enfants faisant la moitié de sa taille, les assigner à baisser les yeux et s'en vanter sur les réseaux sociaux, et que devant la classe tout entière, nous lui apportons notre soutien. Et ce matin, nous partons à l'école avec une question en tête, et une seule. La loyauté, oui, mais à quel prix ?